Le Dhammapada. Verset sur le juste. Ce n'est pas juger les autres rapidement qui fait d'un homme injuste. Le véritable sage prend le temps d'approfondir le faux comme le juste. Il ne juge pas arbitrairement, mais selon la vérité, impartialement. Gardien du Dhamma et gardé par le Dhamma, sage et intelligent, celui-là est injuste. Parler beaucoup n'est pas synonyme de sagesse. Celui qui est en paix avec lui-même, libre de toute hostilité et de toute peur, celui-là est injuste. Parler beaucoup n'est pas comprendre le Dhamma. Celui qui a peu de connaissances du Dhamma, mais qui en réalise la vérité directement, connaît le Dhamma et le comprend. Ce n'est pas parce que ses cheveux sont blancs qu'un moine est avancé. Il peut être avancé en âge et avoir vieilli en vain sans avoir trouvé la sagesse. Celui qui fait preuve de modération et d'honnêteté, de droiture, de maîtrise de soi et de bonté, celui-là est véritablement avancé, libéré des impuretés, éveillé. Ni l'éloquence, ni une belle apparence ne peuvent transformer une personne jalouse, égoïste et malhonnête en un être exemplaire. Mais celui qui a véritablement arraché, déraciné et éliminé toutes ses tendances, et qui s'est libéré de toute aversion, celui-là est un être exemplaire. Ce n'est pas une tête rasée qui fait d'un homme un moine. Comment un menteur indiscipliné, plein de désirs et d'avidité, pourrait-il être un contemplatif? Mais celui qui a su réprimer ses mauvais penchants, les plus bénins comme les plus importants, et qui a recréé l'harmonie en les éradiquant, celui-là est un véritable contemplatif. Mendier sa nourriture ne fait pas d'un homme un moine. Tant qu'il mènera une vie méprisable, son habit ne suffira pas à faire de lui un véritable contemplatif. Celui qui mène une vie chaste et disciplinée, ayant transcendé le bien comme le mal, qui avance dans le monde avec une juste compréhension, celui-là est un véritable contemplatif. La sagesse ne vient pas en gardant le silence pour celui qui vit dans la confusion et l'ignorance. Le véritable sage est celui qui peut, comme avec une balance, soupeser le mal et le bien, et ne garder que le bien. C'est parce qu'il a rejeté toute action néfaste que le sage est vraiment un sage. L'être noble et juste est celui capable de voir les deux aspects du monde. Nuire aux êtres vivants n'est pas le fait du juste. Est appelé noble et juste celui qui est doux et bienveillant envers tous les êtres vivants. Moine, ne te contente pas de suivre les règles ni même d'étudier assidûment, d'obtenir des états de profonde concentration, de mener une vie de reclus, ni même de te dire « J'ai la chance de connaître la félicité du renonçant que l'homme ordinaire ne peut connaître. » Rien de tout cela ne doit te satisfaire tant que ne seront pas effacées, complètement et à jamais, toutes les impuretés.